Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans votre case du week-end qui commence maintenant. Voilà, j'utilisais le mauvais curseur, donc vous ne m'entendiez pas, bien sûr. Quel bon début d'émission! Bienvenue donc dans votre case du week-end qui commence maintenant. Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec de la bonne humeur, des chroniques, de la musique et de l'info toutes les 30 minutes accompagnées de la météo, bien sûr. Un très beau programme dans cette émission, comme d'habitude. Mais oui, que puis-je dire d'autre? Comme d'habitude, bien sûr. Et nous allons d'une dizaine de minutes dans Aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard et Nathalie Amar parler de la Birmanie, puisque le coup de force des généraux militaires affaiblit l'économie de la Birmanie. Dominique Bayard nous expliquera tout. On va parler numérique juste après le flash de 11h30. L'horoscope arrive quant à lui dans moins de 4 minutes. Allez, dans 4 minutes tout pile, on va dire. Voilà, on va dire ça. Voilà, je ne vais pas être trop précis non plus. Niveau musique, que va-t-on s'écouter? Eh bien, on va s'écouter le tout dernier Sound of Legend sur Radio Antigone. Now once did you leave my mind? You talk on the phone from night till the morn. Girl, you really changed my life. Replay arrive dans quelques instants sur Radio Antigone. Nous allons également écouter les Daft Punk qui a annoncé leur séparation cette semaine. Petit hommage avec cette chanson. Je dois quand même diffuser un de leurs titres, bien sûr, dans la case du week-end pour ces nombreuses années pendant lesquelles ils nous ont accompagnés en musique. Et le premier classique de la case du week-end sera All I Wanna Do. Que vous le savez, chaque week-end dans la case du week-end, nous écoutons un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Le premier arrive juste avant 11h et ce sera donc Sheryl Crow pour All I Wanna Do sur Radio Antigone. Pour l'heure, eh bien, l'horoscope arrive dans un petit instant, juste après Team Up. Voici Moira Jint. Dans ton blouson dégueulasse, les mains hautes, tendues sans réponse, creusées sans espoir, sans l'once, dans l'endemain qui pourrait dire je t'aime et parfois même te dire que tout est bon. Moira Jint, dans tes baskets défoncées, tes vêtements de prêt-à-porter, c'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. Moira Jint, le vent dans tes cheveux défaits, tu t'es dissimulé vers un ailleurs. Et de rancœur de n'avoir pu effleurer les miennes. Je rêve que tu n'as plus peur et que l'on découvre ensemble les rues de Sienne. J'espère partager ta tendre mélancolie, mais la pluie d'été abîme cette scène. Je me jette dans la Seine, je me jette dans la Seine. Métaphore d'un laisser pour compte qui va et qui vient, ne fait que passer. Car oui, l'amour se défile et défile, il nous casse la gueule sans trop de difficultés. Thank you. bienvenue sur Radio Antigone. Vous venez donc d'écouter Teamed Up avec Moira Gunt à l'instant et voici votre horoscope. Nous commençons bien sûr par les béliers. Pour vous, très bon climat conjugal. Contrairement à vos habitudes, vous essayerez cette fois de progresser dans la relation de façon plus prudente, plus lente. Les taureaux, vous vous porterez aussi bien que possible, faisant preuve d'une endurance exceptionnelle. Les gémeaux, vous ne chercherez pas à vous fondre dans la foule. Les circonstances vous permettront d'occuper le devant de la scène, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. Les cancers, méfiez-vous de l'argent apparemment facile. Ne comptez pas sur les jeux de hasard pour résoudre vos problèmes financiers. Les lions, comment ça se passe les lions? Si vos préoccupations vous empêchent de trouver le sommeil, comme ça sera probablement le cas aujourd'hui, essayez de vous détendre avec des remèdes naturels ou d'en parler à quelqu'un de confiance. Les vierges, l'heure est à la réflexion. Je vais reprendre cette phrase qui était totalement chaotique. Les vierges, donc, l'heure est à la réflexion. En couple, cette journée devrait être le moment de vous d'imposer une mise au point de vos sentiments. Les balances, dans votre métier, exaltation et projets grandioses sont au programme aujourd'hui. Les scorpions, on va passer niveau... Niveau famille, pour vous les scorpions, la famille qui s'avérera très importante pour votre équilibre, passez le plus de temps possible tranquillement au foyer. Les sagittaires, votre vie conjugale sera en vedette aujourd'hui pour vous les sagittaires. Capricorne, vous bénéficierez d'une très grande forme et ferez preuve d'une résistance étonnante. Ce sera une journée idéale pour remonter la pente. Les Verseaux, bon climat lunaire pour les opérations immobilières. Si vous envisagez de faire le rachat d'une maison familiale, vous devriez trouver votre bonheur aujourd'hui. Restez cependant dans les limites de vos moyens. Et on termine avec les poissons. Vie conjugale en vedette aujourd'hui. Profonde complicité avec votre conjoint, les célibataires. La journée commencera bien et se terminera encore mieux. Voilà pour l'horoscope des poissons et voilà pour l'horoscope de vous tous qui nous écoutez, chers auditeurs. Bonne journée à tous. Le titre actuel. Et oui, un titre tout neuf, tout récent, bien sûr, avec tout de suite le dernier Stone of Legend. Replay, juste avant de parler économie. Shorty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na na na na every day, it's like my iPod stuck on replay, replay. Then I can't keep out, got me singing like na na na na every day, it's like my iPod stuck on replay, replay. Remember the first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would've ever knew that we would ever be more than friends? Feel worldwide, breaking all the rules. She like a song played again and again. Like something of a poster. Is that time they say? Is that gun to my holster? She's running through my mind all day. Yeah, shorty's like a melody in my head. Shorty's like a melody in my head. That I can't keep on, got me singing like na na na na, every day it's like my heart wants to be great. See, you've been all around the globe, not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking what she like. We're real worldwide, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. Like something of a poster. Is that time they say? Symphony, the one that can fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. I can be your melody, a girl that can write you a symphony, the one that can fill your. vous êtes sur Radio Antigone, Sound of Legend. Replay à l'instant. Aujourd'hui, l'économie. 10h22, l'heure de retrouver Dominique Bayard et Nathalie Amard pour aujourd'hui l'économie. Nous parlons donc bien sûr économie, comme le nom de la chronique l'indique. Nous partons en Birmanie où la mobilisation contre le coup d'État, des généraux ne faiblit pas. Quelle que soit son issue, ce push après le Covid-19 est déjà une nouvelle calamité pour l'économie, Dominique. J'ai du mal à faire ce lancement, Dominique, d'ailleurs. Oui, le rebond post-Covid n'aura pas lieu. Suite au coup d'État, la plupart des analystes ont déjà revu à la baisse leurs prévisions de croissance. Ce sera plutôt 2% cette année pour la Birmanie, alors que le double était annoncé après une année 2020 de quasi-stagnation. La menace des sanctions et surtout le climat d'incertitude pourraient rapidement dissuader les investisseurs étrangers qui financent les gros projets d'infrastructure, notamment ceux auxquels sont associés les grands conglomérats dirigés par les généraux putschistes. C'est un vrai dilemme pour les investisseurs privés. Doivent-ils rompre, comme l'a fait Kirin, le brasseur de bière japonais? Le français Total réfléchit. Le départ des entreprises occidentales présentes, surtout les japonaises les plus actives en Birmanie, portera un coup très dur à l'économie birmane, mais à moyen terme, elle pourrait bien sûr rapidement être remplacée par des sociétés chinoises. Oui, car Pékin est le premier investisseur après Singapour et c'est un grand voisin assez conciliant avec la junte. Oui, c'est pourquoi ces menaces de sanctions occidentales inquiètent assez peu les militaires qui ont pris le pouvoir. Étant donné la faiblesse des échanges commerciaux entre la Birmanie et les États-Unis, les effets d'éventuelles sanctions américaines paraissent assez limités, à moins que l'administration Biden n'ait recours à l'arme suprême, l'interdiction de toutes les transactions financières effectuées en dollars ou en passant par des sociétés américaines. De la part des Européens, les Birmans redoutent surtout de perdre l'exemption des droits de douane pour leurs exportations. Un régime préférentiel qui a fait de l'Europe leur deuxième client après la Chine. Les 27 absorbent presque le quart des exportations birmanes. Dominique, la remise en cause de ce régime préférentiel pourrait être fatale à l'industrie textile? Oui, c'est un risque, il inquiète les industriels car la Birmanie est devenue l'un des grands fournisseurs des marques européennes comme Mango, Primark et surtout le suédois H&M. Depuis 2010, les exportations textiles ont été multipliées par 15 en valeur. Cette activité fait travailler aujourd'hui plus de 500 000 personnes, mais ce risque là aussi paraît assez limité. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a souligné hier que les mesures ciblées ne devaient pas frapper la population. Cette population birmane, elle reste l'une des plus pauvres au monde, malgré l'ouverture croissante de son économie. Depuis 2010, la croissance, elle galope en moyenne de 7% jusqu'au ralentissement de 2019. Les Birmans en ont surtout ressenti les bénéfices après l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi en 2016. Oui, en 4 ans, la pauvreté a diminué de moitié. Dominique, elle concerne encore un Birman sur 4. Oui, la dirigeante aujourd'hui assignée à résidence a aussi contribué à façonner un environnement plus favorable aux investissements avec de nouvelles réglementations financières, la création d'une bourse, des efforts pour attirer les investisseurs occidentaux et ainsi contrebalancer l'influence de la Chine. Aung San Suu Kyi a aussi désendetté son pays vis-à-vis de ce créancier pesant. La dette due à la Chine s'est dégonflée de 26% pendant son mandat. La première ministre a aussi revu à la baisse les accords passés avec Pékin, notamment pour la construction du grand port sur l'océan Indien devant relier la province du Yunnan. La facture est passée de 7 à 1 milliard de dollars. En bref, Dominique, en France, la Société Générale dans le rouge. La troisième banque française encaisse une perte nette de 258 millions d'euros pour 2020. C'est le Covid, bien sûr, qui l'a fait plonger. Surtout au premier semestre, les pertes se montaient alors à 1,6 milliard d'euros. Depuis, la banque remonte la pente, mais restera vigilante cette année et cherchera encore à limiter ses coûts. Merci beaucoup Dominique Bayard. Vous étiez avec Nathalie Amard qui vous interrogeait sur ce sujet. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous vous retrouvons dans une heure pour une deuxième chronique économique. Dans un instant sur Radio Antigone, nous allons faire un point sur l'actualité ainsi que sur la météo. Mais tout de suite, voici The Fratellis avec Star-Crossed Lovers. Time she heard his name and his heartbeat, he was in the- before she got close, but missed. Romeo, Romeo, I'm your Juliet. I'm the pot of gold that you haven't found yet. I hear you. He said, Juliet, I believe every word you say. Time is running backwards every single day. De Radio Antigone avec The Fracalist, Star-Crossed Lovers dans la case du week-end. Radio Antigone. C'est parti pour la deuxième demi-heure avec les actus du numérique dans un instant. Il est 10h30. Radio Antigone. La radio à vif. Il est donc l'heure de faire un nouveau point sur toute l'actu de ce dimanche 28 février 2021 et c'est avec la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. Les nuages de sable du Sahara qui ont traversé la France étaient radioactifs. 60 ans après les essais nucléaires français dans le désert, ce sont des poussières radioactives provenant du Sahara qui sont passées dans l'Hexagone en février. Ces nuages ne sont cependant pas dangereux, selon une étude de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Politique, Emmanuel Macron perdra contre Marine Le Pen. C'est en tout cas ce que prédit Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Dans une interview au Point, il a indiqué, je cite, « Il y a deux forces qui peuvent gagner contre la présidente du Rassemblement National, la droite et nous, les écologistes. Le parti écologiste organisera à la rentrée ses primaires en vue de l'élection présidentielle de 2022. » Une audience fixée demain pour Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix 1991, n'a plus été vue en public depuis le 1er février, date à laquelle la junte militaire birmane a pris le contrôle du pays et l'a fait arrêter. Elle serait depuis assignée à résidence. Elle a été inculpée pour importation illégale de talkie-walkie et pour violation des restrictions liées au coronavirus. Son avocat n'a pas été autorisé à la voir avant son audience. Covid-19, le prince William encourage la vaccination au Royaume-Uni. Il a ainsi mis en garde ses compatriotes contre les messages des anti-vaccins sur les réseaux sociaux. En Syrie, un incendie dans un camp de déplacés a fait 3 morts hier. Deux enfants et une femme ont perdu la vie dans le camp d'Al-Hol, le plus grand du pays. Une trentaine de personnes ont été blessées. Le feu a été causé par un poêle. Sur Internet, Facebook va investir plus d'un milliard de dollars dans les contenus d'actualité pour les 3 prochaines années. Le responsable des affaires publiques du groupe a indiqué que le réseau social avait déjà investi 60 millions de dollars pour soutenir les médias depuis 2018. En parlant de réseaux sociaux, c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'a lieu la journée mondiale sans Facebook. Très bien, la journée mondiale sans Facebook. Donc aujourd'hui, ça me fait une chose en moins à dire dans l'éphéméride qui arrive dans 15 minutes, puisque je parle des journées mondiales régulièrement dans l'éphéméride. Mais ce n'est rien, je ne suis pas du tout vexé, non, non. J'en reparlerai quand même peut-être. Il y a une autre journée mondiale dont je peux vous parler. 10h33, voici un rapide point sur la météo. Météo avec le bon bed, c'est quand même. Excusez-moi pour ce petit blanc. La météo donc très très rapidement. Et il fait beau hein, sur une grande partie de la France avec du grand soleil sur toute la partie nord. Du grand soleil également dans le sud-est sur une ligne à droite d'une ligne Lyon-Marseille avec des températures qui pourront aller jusqu'à 16 degrés à Marseille. Comptez 11 degrés à Auxerre tout comme à Paris, 10 degrés à Lille, 9 degrés à Belfort, 10 degrés à Strasbourg. 12 degrés à Rennes et 11 degrés à Brest. Quelques nuages en dessous de Bordeaux, voilà, et en dessous d'Aurillac également. Quelques nuages, mais rien de très méchant. 13 degrés à Aurillac, 15 degrés cet après-midi à Bordeaux. Un peu de pluie du côté de Limoges, des rares averses avec des températures tout de même élevées. Tandis qu'à Montpellier, le soleil devrait être caché, le seul endroit en France où le soleil devrait être caché. 14 degrés et quelques averses sont prévues. Météo complète tout à l'heure, juste après le flash de 11h. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Radio Antigone. La deuxième demi-heure de la case du week-end commence dès maintenant avec les actus du numérique. Et dans quelques instants, nous parlons numérique chaque jour dans la case du week-end. Voilà, plein d'actus de différentes formes. Vous verrez cela. Il y aura également l'éphéméride qui arrive dans 10 minutes. Et puis, nous parlerons médias avec les actus des médias juste avant 11h. Juste avant 11h aussi, il y aura un classique musical. Je vous propose Sheryl Crow avec All I Wanna Do qui arrive donc en premier classique musical. Et puis le dernier, Vianney également. Je ris pas. Oh. On peut voir le monde. Ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie. Pour de vrai. Pour l'instant nous faisons plaisir avec les Daft Punk que l'on écoute tout de suite. Harder, Better, Faster, Stronger, bien sûr pour leur rendre hommage qui ont annoncé leur séparation cette semaine. Voici tout de suite donc les Daft Punk, extrait sorti en 2001. <t'-> Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Vous êtes sur Radio Antigone avec à l'instant les Daft Punk, Harder, Better, Faster et Stronger. Bonne matinée à l'écoute de la radio à vif. Radio Antigone, les actus du numérique. Avec ce bon plan aujourd'hui, très très rapidement, pour ces actus du numérique, je suis un petit peu en retard. Et on va parler des appareils Huawei avec le P30 et le P30 Lite XL qui eh bien sont en réduction chez Red by SFR. Red by SFR, surtout connu en tant qu'opérateur. Mais cette entreprise, ce vendeur, propose également désormais des smartphones sur sa propre plateforme e-commerce. Cela veut dire que c'est un achat comme si vous achetiez un appareil dans un magasin, à la Fnac, sur Amazon, sur Cdiscount ou chez Boulanger. Donc, le P30 est disponible chez le Red by SFR à 329€ au lieu de 429€, tandis que le P30 Lite XL est quant à lui à 229€ au lieu de 309€. Les versions disponibles sont celles de 128 et 256Go, 128 pour le P30 et 256 pour le P30 Lite XL, capacité de stockage assez élevée quand même,

Bernie Vianney, pour de vrai, sur Radio Antigone dans la case du week-end. L'éphéméride. Nous sommes le dimanche 28 février 2021. Bonne fête aux Augustes, aux Romains, aux Romans, aux Romances, aux Romanes. Et bonne fête également aux Nymphes. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans Facebook. On en a parlé dans le flash tout à l'heure. Mais également la journée mondiale, la journée internationale même, des maladies rares. Petit chiffre, sachez que chaque semaine, 5 nouvelles pathologies touchant moins de 0,2% de la population sont découvertes dans le monde. Et en 2013, près de 7000 maladies rares différentes étaient recensées. Bon anniversaire à Marcel Pagnol qui aurait eu 126 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à John Turturro, 64 ans. Tim Miller, 51 ans. Et Ali Larter, 45 ans. Voici quelques événements s'étant déroulés un 28 février avec une catastrophe de mine un 28 février. En 1812, en Belgique, la catastrophe de la mine de Beaujon, située près de Liège. C'est de l'eau qui s'est précipitée d'une hauteur de 70 mètres qui a enfermé 127 mineurs dans un espace étroit où pendant 5 jours et 5 nuits, ils travaillèrent sans cesse pour sortir de la mine. 70 ouvriers ont réussi à sortir de la mine. Pour cette catastrophe très impressionnante, donc malheureusement, en 1812, le 28 février 1812. Deuxième événement avec le traité de Calice. Calice, c'est compliqué à prononcer. K-A-L-I-S-Z en 1813, un accord signé entre la Russie et la Prusse contre Napoléon Ier. Voilà pour cette éphéméride. Bonne journée à tous et bon anniversaire si vous êtes né un 28 février. Le classique de la case du week-end. Vous savez quoi, je vous propose de parler médias dans quelques instants sur Radio Antigone. On parle médias, voilà comme on le fait chaque week-end dans la case du week-end. Pour l'heure, voici un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois. All I Wanna Do, Sheryl Crow. All I wanna do is have a little fun before I die. Vous êtes sur Radio Antigone et cette fin est très étonnante de All I Wanna Do. C'était Cheryl Crow sur la radio à vif. Voici les actus des médias. Radio Antigone. Les actus des médias. Nous parlons médias, bien sûr, dans la case du week-end de Radio Antigone, tous les jours, enfin, tous les week-ends, du coup. Je vous emmène sur les antennes de France Télévisions et de Radio France ce matin pour commencer avec une nouvelle matinale filmée de France Bleu diffusée sur France 3. Il s'agit de la matinale de France 3 Rhône-Alpes. Dès le mardi 9 mars à 7h, les téléspectateurs de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône vont découvrir sur leur écran le rendez-vous matinal de France Bleu Drôme-Ardèche. De la bonne humeur, bien sûr. Et eh bien votre programme habituel France Bleu, agrémenté d'images et d'illustrations sur France 3 Rhône-Alpes. De nombreuses chroniques vont bien sûr venir enrichir l'émission avec la nouvelle écho, le rendez-vous qui permet de mettre en lumière les entreprises du département qui se relancent et innovent. Le jeu qui ne peut être fait eh bien qu'en Rhône-Alpes, le jeu Game of Thrones, bien sûr, quel bon jeu de mots. Le coup de fil actu, les circuits courts avec la parole donnée aux commerçants, artisans et producteurs locaux. Mon psy et moi. Et puis, autre chronique, c'est tout naturel, le bien-être et la santé physique et mentale, 100% naturel. La radio s'écoute et donc se regarde désormais à la télé sur cette nouvelle matinale, la 14e matinale de France Bleu lancée sur France 3 le matin. Je rappelle que 10 autres matinales verront le jour en 2021, ce qui donnera un équivalent de 6000 heures de programmes régionaux supplémentaires sur les antennes de France 4. Et à terme, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3. Eh bien, on peut peut-être parler un petit peu sport avec France TV Sport qui prépare sa saison 2 cyclisme. Et oui, et qui, pour l'occasion, va vous proposer un podcast présenté par Alexandre Pasteur qui sera aux commentaires de l'ensemble des courses de cyclisme sur route cette saison en compagnie de Laurent Jalabert et de Marion Rouscomme l'année dernière. Thomas Vauclair sera de son côté davantage présent sur la moto et au cœur du peloton, et Johan Ofredo, comme l'année dernière, viendra apporter son regard et son expertise lors du Tour de France au mois de juillet. Un podcast a donc été préparé pour l'occasion, que vous pouvez bien sûr trouver facilement sur internet. Petit programme de la saison que je peux vous proposer parce que je l'ai avec moi, un beau calendrier. Ils nous ont fait un très beau calendrier, dis donc, il est tout avec le design de France TV Sport, c'est très beau, alors que mon chat est en train de faire un bazar avec des cartons. Mais c'est rien. Donc parlons cyclisme. Le Paris-Nice sera diffusé sur France 3 du 7 au 14 mars, ça arrive. Le dimanche 4 avril, vous aurez rendez-vous avec le Tour des Flandres. Dimanche 11 avril, la Paris-Roubaix, la course hommes et femmes, également sur France 3. La Flèche Wallonne sera quant à elle diffusée le mercredi 21 avril également sur France 3. Le Tour de France sera sur France 2 et France 3 du 26 juin au 18 juillet. Et puis dans les Jeux Olympiques de Tokyo, vous aurez également du cyclisme sur France 2 et France 3. On aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on parlera du dispositif mis en place par France Télévisions pour les Jeux Olympiques ainsi que pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Effectué en 2021. Voilà, je me suis un petit peu perdu moi-même. Vous êtes sur Radio Antigone, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai fait plus que je ne pensais, voilà, sur ces actus des médias, mais ce n'est rien, j'ai même pris l'accent franc-comtois à l'instant. Dans un instant, on fait un nouveau point sur l'actualité, après Baby Shamble. Death and glory, happy endings, no, they never bore me. est pas mal ce titre, je trouve. Très rock, mais en même temps assez doux. C'était Baby Shambles sur la radio à vivre dans la case du week-end, qui est totalement en retard pour le début de cette deuxième heure. Radio Antigone. Je ne vous le fais pas dire, hein, puisqu'il est 11h03. Radio Antigone. La radio à vif. Voici le flash tout de suite avec la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. Les nuages de sable du Sahara qui ont traversé la France étaient radioactifs. 60 ans après les essais nucléaires français dans le désert, ce sont des poussières radioactives provenant du Sahara qui sont passées dans l'Hexagone en février. Ces nuages ne sont cependant pas dangereux, selon une étude de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Politique, Emmanuel Macron perdra contre Marine Le Pen. C'est en tout cas ce que prédit Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Dans une interview au Point, il a indiqué, je cite, « Il y a deux forces qui peuvent gagner contre la présidente du Rassemblement National, la droite et nous, les écologistes. Le parti écologiste organisera à la rentrée ses primaires en vue de l'élection présidentielle de 2022. » Une audience fixée demain pour Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix 1991, n'a plus été vue en public depuis le 1er février, date à laquelle la junte militaire birmane a pris le contrôle du pays et l'a fait arrêter. Elle serait depuis assignée à résidence. Elle a été inculpée pour importation illégale de talkie-walkie et pour violation des restrictions liées au coronavirus. Son avocat n'a pas été autorisé à la voir avant son audience. Covid-19, le prince William encourage la vaccination au Royaume-Uni. Il a ainsi mis en garde ses compatriotes contre les messages des anti-vaccins sur les réseaux sociaux. En Syrie, un incendie dans un camp de déplacés a fait 3 morts hier. 2 enfants et une femme ont perdu la vie dans le camp d'Al-Hol, le plus grand du pays. 30 de personnes ont été blessées. Le feu a été causé par un poêle. Sur Internet, Facebook va investir plus $1 milliard dans les contenus d'actualité pour les 3 prochaines années. Le responsable des affaires publiques du groupe a indiqué que le réseau social avait déjà investi $60 millions pour soutenir les médias depuis 2018. En parlant de réseaux sociaux, c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'a lieu la journée mondiale sans Facebook. Effectivement, merci beaucoup pour le flash. Nous en avons parlé dans l'éphémérie tout à l'heure. 11h05, la météo. Bonjour à tous, du soleil pour tout le monde ce dimanche matin, mis à part sur les côtes occitanes où la pluie est prévue, même chose l'après-midi avec quelques averses sur la Nouvelle-Aquitaine. Partout ailleurs, du soleil, les températures entre moins 2 et 9 degrés au lever du jour, 13 degrés l'après-midi à Lille et à Strasbourg, 14 degrés à Paris, ça sent bon le printemps, 16 degrés à Bordeaux et à Ajaccio et 17 degrés à Montélimar, à Marseille ou encore à Tarbes. Merci beaucoup pour cette météo. Prochain point sur la météo, c'est tout à l'heure. Après le flash de 11h30, la case du week-end continue avec la deuxième heure qui démarre tout de suite. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. C'était un plaisir d'être avec vous chaque week-end dans cette case du week-end. Ouais, ça fait beaucoup week-end, mais c'est, vous savez quoi, parce qu'on adore le week-end. Et le week-end sur Radio Antigone, eh bien, c'est la fête du week-end. Voilà, j'avais envie de placer plein de fois le mot week-end dans ma phrase. Eh bien, c'est chose faite, et donc je vais me calmer maintenant. Je ne sais même pas ce qu'on va faire, tiens. On va avoir le Musicator 2000, je crois, qui arrive. Ouais, ouais, on va passer à un autre sujet. On va prendre un petit peu de sérieux avec le Musicator 2000 que je vous propose dans quelques instants avec une belle découverte musicale. Le principe, c'est simple. Nous allons au hasard sur une radio d'un autre pays et puis on va voir la musique qui est actuellement diffusée et puis on l'écoute. Voilà, et souvent c'est une très belle découverte musicale. Ça arrive dans un instant. Niveau musique, voilà ce qui arrive également. Angèle à suivre. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait. Je vous propose que l'on écoute également le dernier Lucenjo avec Bayamos à suivre. Conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada. Oh, es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada. sensualidad, pa mantener la complicidad, y eso te vuelve muy loquita, mamita. Mais oui, Lucenzo qui arrive dans quelques instants. Et à suivre également, je vous propose Renaud dans le classique de la case du week-end. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir. Et raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Renaud qui arrive dans quelques instants sur Radio Antigone. En attendant, eh bien, voici, eh bien, oui, ça fait beaucoup de eh bien, hein, eh bien, eh bien, eh bien, le Musicator 2000. Le Musicator 2000. Je vous ai rappelé le principe il y a quelques instants. C'est une découverte musicale que nous faisons. Je vais au hasard sur une radio d'un autre pays et puis on écoute la musique actuellement diffusée sur cette radio d'un autre pays. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener au Kosovo. Voilà, j'ai choisi un pays au hasard. Je n'ai pas spécialement envie de vous emmener au Kosovo. Rendez-vous sur Studio Rejan. Rejan, oui, voilà, qui diffuse, eh bien, actuellement, je sais pas du tout, hein, ce que je vais diffuser comme musique. C'est vraiment du hasard. C'est le principe du Musicator 2000, hein, je le précise. Nous allons donc écouter aujourd'hui Asim Gashi avec... oh là là, ah bah alors là, vous voulez que je prononce ça? Non mais c'est une blague. Avec Yajreddin Pacha. Voilà, alors c'est un titre qui dure 6 minutes 07, donc je ne vais pas le diffuser complètement bien sûr, parce que je suis déjà en retard. Donc vous vous rendez compte, si je diffuse les 6 minutes, c'est une balle dans le pied que je me tire, même pas une, hein, c'est 3 balles dans le pied que je me tire, donc je vais quand même éviter, je suis un peu fou, mais quand même. Eh bien on y va, c'est parti, voici donc ce titre qu'on en écoute tout de suite dans le Musicator 2000, la découverte musicale de la case du week-end. Thank you. Musicator 2000 de la case du week-end tous les samedis et les dimanches sur Radio Antigone, une découverte musicale avec une musique actuellement diffusée sur une radio d'un autre pays. Et nous étions aujourd'hui sur Studio Région Radio, et bien du Kosovo, qui nous diffusait ce titre d'Hashim Gashi, Ajrelin Pacha, que nous venons donc d'écouter. 11h14 sur la radio à Vif. 10h, midi, la case du week-end. Et nous continuons en musique, bien sûr, avant le programme télé et avant de parler économie avec Dominique Bayard, voici Angel, ta reine tout de suite. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Acceptera qu'elle aussi elle t'aime un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Vous êtes sur Radio Antigone et nous venons d'écouter Angèle avec ta reine. Radio Antigone, le programme télé. Le programme télé de ce dimanche, nous commençons bien sûr par TF1 qui vous propose un film Independence des Résurgences. C'est à suivre à partir de 21h20, durée 2h20. Sur France 2, vous avez un film inédit ce soir à 21h05, Neuilly sa mère, deuxième volet du film. Le premier volet, Neuilly sa mère, est diffusé à 22h50. Sur France 3, la série TV Vienna Blood, les carnets de Max Limbermann. L'épisode du sang sur Vienne est diffusé à partir de 21h05. Et la série télé Opération Roméo inédité, quant à elle, diffusée à 22h35. de la durure du foot, pardon, avec la 27e journée de Ligue 1 sur Canal Plus à 21h, sur France 5, le magazine Le Gibier sort du bois à 20h50, c'est inédit. Le numéro de Capital sur M6 s'est consacré au complément de revenus, comment arrondir ses fins de mois sans piège. Sur Arte, le film Le Temps de l'innocence, sur C8, le film Que la fête commence, W9 continue sa série de rediffusion de la série télé Scorpion. Sur TMC également, rediffusion d'une série télé Cold Case, affaire classée. Sur TFX, le big bêtisier 100% chat. Sur NRJ 12, urgence. Sur LCP, Public Sénat, Rambob Ina, consacré à Jean-Christophe Averti aujourd'hui. Sur France 4, le magazine Apocalypse, la guerre des mondes 1945-1991. On parle du monde qui tremble entre 1950 et 1952 aujourd'hui sur France 4 dans le cadre de l'Umni Histoire. Sur C-Star Canal, il manque des chaînes là, oui, je n'ai pas les chaînes d'info en continu, c'est pour ça, pardon. Sur C-Star, Canal 17 de la TNT à 21h05, rediffusion de la série télé Chicago Fire. Sur Gulli, E égale M6 consacré aux idées reçues. Bien sûr, sur Culture Box, vous avez un petit magazine avec Toulouse-Lautrec, vivre et peindre à en mourir à partir de 21h06. Sur le canal 20 de la TNT, TF1 série film, la série télé Une chance de trop toute la soirée. L'équipe vous propose une grande soirée avec le match de Ligue 1 en commentaire audio. Marseille-Lyon, c'est en direct et c'est suivi de l'équipe du soir à 22h52. Sur Sister, les 12 travaux d'Astérix suivi d'Astérix et Cléopâtre. Sur RMC Story, faites entrer l'accusé. Sur RMC Découverte, enchère à tout prix. Les mystères de l'Orient suivis de la compétition fait rage. Et sur Chéri 25, rediffusons toute la nuit, de toute la soirée plutôt quand même, d'une femme d'honneur à partir de 21h05. Voilà pour votre programme télé. N'oubliez pas qu'il y a la radio. Bonne soirée. Le titre actuel. Bon, la soirée est loin d'être folle, je vous l'accorde. Mais bonne soirée quand même pour ce soir. On parle économie dans un instant avec Dominique Bayard. Juste après Lunchenjo, voici Bayamos. Est-ce que su carita me mata? Me sedució con su mirada. Y me dejó ilusionado. Estoy enamorado de verdad. Ella sabe de lo que se trata. Yo sé que nunca le interesó la plata. Ahora se queda sola y desesperada. Como una malvada, solita se va. Yo solo necesito una canción. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Bailamos con más sensualidad. Pa' mantener la complicidad. Y eso te vuelve muy loquita, mamita. ¿Por qué no me llamas? Quiero saber. Es que eso me mata, no sé qué hacer. Sonrisa de gata, como tú me tratas. Ven, bala conmigo hasta el amanecer. Yo solo necesito una canción. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una canción. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. Que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. Lucienzo Balamos sur Radio Antigone. Aujourd'hui, l'économie. 11h24, on parle d'économie comme chaque heure dans la case du week-end. La menace d'une hausse généralisée des prix agite les marchés et les économistes. Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale, a cherché cette semaine à calmer les inquiétudes. Dominique Bayard. Oui, la hausse généralisée des prix, c'est un vieux souvenir en Occident. On a presque oublié ce fléau qui grignotait les salaires dans les années 70 et appauvrissait les ménages confrontés à la montée du chômage. Cette flambée incontrôlée des prix est souvent alimentée par celle des matières premières. Au XXe siècle, l'étincelle avait été la crise pétrolière. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à craindre du côté du brut puisque la faiblesse de la consommation comprime les prix du pétrole. En revanche, toutes les autres matières premières voient leur cours grimper en flèche, qu'elles soit agricole ou minière. Dans l'industrie, il y a même des pénuries de plastique, de semi-conducteurs susceptibles de faire grimper les prix des produits finis dans les prochaines semaines. Cette poussée est bien réelle, mais des hausses comparables se sont déjà produites sans réveiller l'inflation. Les investisseurs redoutent surtout les effets inflationnistes du plan massif de soutien à l'économie de Joe Biden. Oui, massif, hein, 1900 milliards de dollars qui seront distribués aux ménages ou aux entreprises. C'est trop ? Alors, 1900 milliards de dollars qui s'ajoutent aux 3700 milliards dépensés par Donald Trump. Est-ce bien nécessaire, s'interrogent d'éminents économistes comme le très respecté Larry Summers, un keynésien, c'est-à-dire plutôt favorable à la dépense publique. L'ancien chef économiste du FMI, le français Olivier Blanchard, est du même avis. Pourquoi distribuer autant d'argent alors que la campagne de vaccination devrait bientôt commencer à porter ses fruits aux États-Unis, alors que l'épargne des Américains est assez élevée? Cette manne, explique-t-il, favorisera une consommation frénétique et donc la surchauffe. Quand la demande des biens dépasse l'offre disponible, les prix explosent, le mécanisme de l'inflation est en place. Avec quelles conséquences, Dominique? Alors, pour maîtriser cette hausse exubérante, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, va sans doute remonter ses taux d'intérêt. L'argent plus cher, c'est mauvais pour Wall Street qui baigne depuis 10 ans dans l'euphorie grâce à l'argent des plans de relance. On comprend pourquoi la bourse est fébrile. Mais c'est surtout un frein à l'économie, soit l'inverse de ce qui est recherché. Enfin, c'est une menace inquiétante, très inquiétante pour les pays hyper endettés qui profitent tranquillement en ce moment des taux négatifs, c'est-à-dire pour les pays européens. Parce que la hausse des taux américains, eh bien, elle se réplique mécaniquement sur les marchés européens. Cela a déjà commencé la semaine dernière. Et Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a essayé donc hier de calmer ses peurs. Oui, en s'exprimant devant le Sénat, il a surtout insisté sur la nécessité de soutenir encore massivement l'économie, de lutter contre le chômage. C'est sa priorité absolue. Il adhère complètement au plan Biden. Le relèvement des taux est encore lointain, a-t-il déclaré. Pas question d'y recourir tant que la hausse des prix n'atteint pas la barre des 2%. En ce moment, l'inflation est bien en dessous, autour de 1,5%. En bref, encore Dominique, Hong Kong qui annonce un budget de 15 milliards de dollars pour sortir de la récession. Cela fait 2 ans que l'île est en crise. La pandémie l'a accentué. Le PIB de Hong Kong a reculé de 6% en 2020. Le gouvernement prévoit des aides directes aux ménages. Le gouvernement annonce par ailleurs le début de la campagne de vaccination anti-Covid. Merci beaucoup Dominique Bayard et Nathalie Amar de la rédaction d'RFI. Merci pour ces chroniques. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Un point sur l'actu arrive juste après Fleet Foxes, Helpless Blues. I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But oh, just tell me what I should do. I don't need Radio Antigone avec Fleet Fox et Elfnas Blues. On écoute que de la bonne musique hein, dans la case du week-end de Radio Antigone et plus simplement sur Radio Antigone. Bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là, en tout cas j'espère. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette case du week-end qui continue. On a encore 30 minutes à passer ensemble. Radio Antigone. 30 minutes qui débuteront avec les actus du numérique et les actus du sport. 11h30. Radio Antigone. La radio à vif. Je vous propose de faire un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche avec la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a encore de l'espoir face au risque de confinement national. C'est ce qu'a indiqué Jérôme Salomon dans un entretien au journal du dimanche. Le directeur général de la santé s'est dit optimiste malgré la situation sanitaire dans le pays. Il défend la stratégie gouvernementale qui permet, selon lui, de tenir le temps que la vaccination se déploie. Il a ajouté que la vaccination dans les EHPAD frôle les 80%. Vaccination. Israël compte donner entre 1000 et 5000 doses de vaccin Pfizer au Maroc. Benjamin Netanyahou a indiqué cette semaine que le pays ferait don de 100 000 doses en tout. Elles seront distribuées dans une dizaine de pays. Le Congo, le Guatemala et la Guinée sont notamment concernés. Donald Trump doit s'exprimer aujourd'hui. L'ancien président fera un discours à l'occasion du CPAC, la conférence des conservateurs. Elle se déroulera à 15h heure locale, soit 21h en France. Il ne devrait pas annoncer sa candidature pour les élections de 2024, même si 55% des républicains souhaitent qu'il se représente. À Barcelone, une manifestation dégénère en émeute. Le mouvement de protestation contre l'arrestation du rappeur Pablo Hasél a entraîné hier des actes de vandalisme. Des poubelles ont été incendiées et des affrontements avec la police ont également eu lieu. Les manifestations ne faiblissent pas en Espagne, 11 jours après l'arrestation du rappeur. Il a été condamné pour des tweets attaquant la monarchie et les forces de l'ordre. Carlos Ghosn publie un livre avec sa femme, intitulé « Ensemble toujours ». Cet ouvrage raconte les 14 mois qui ont suivi l'arrestation au Japon de l'ancien PDG de Renault-Nissan. Carlos Ghosn réside actuellement au Liban et fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt international. Insolite, les Finlandais construisent le plus grand manège de glace au monde. Un cercle de 300 mètres de diamètre va être découpé à la tronçonneuse. Il pourra ensuite tourner sur lui-même grâce à un moteur de bateau. Le record du plus grand manège est actuellement de 228 mètres. Merci à la rédaction pour ce flash. Prochain point sur l'actualité, c'est tout à l'heure à midi avec le Radio Antigone Midi, une heure d'actualité. Voici la météo. Bonjour à tous, du soleil pour tout le monde ce dimanche matin, mis à part sur les côtes occitanes où la pluie est prévue, même chose l'après-midi avec quelques averses sur la Nouvelle-Aquitaine. Partout ailleurs, du soleil, les températures entre moins 2 et 9 degrés au lever du jour, 13 degrés l'après-midi à Lille et à Strasbourg, 14 degrés à Paris, ça sent bon le printemps, 16 degrés à Bordeaux et à Ajaccio et 17 degrés à Montélimar, à Marseille ou encore à Tarbes. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être sur Radio Antigone. La case du week-end continue. Excusez-moi pour ce petit blanc. Dans quelques minutes, les actus du sport, toutes les actus sportives de ce week-end. On va parler ski, on va parler rugby, on va parler foot, on va parler d'à peu près tout. Je vais essayer d'être le plus général possible sur ces actus du sport qui arrivent dans un peu plus de 10 minutes. Les actus du numérique arrivent également, les actus des médias avant midi. Voilà, un très beau programme et puis on aura aussi de la très très bonne musique avec la version 2020 de ce titre d'Indochine. On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Avec Christine and the Queen, ça arrive dans les prochaines minutes sur Radio Antigone. Et puis le prochain classique musical sera Renaud avec Mistral Gagnant. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Tout à l'heure, juste avant midi, avant les actus des médias. Pour l'heure, voici The Shoes et Postal. David Way dans la case du week-end. Different types of follow through, you attach your love to your heart. When your eyes are going through, different types to follow through, you attach your head before it starts to your heart. Give it away, your head to your heart before it's still your heart. Attach your head to your heart before it strays to your heart. De Radio Antigone, The Shoes, Postal, Give It Away. Radio Antigone, les actus du numérique. Nous avons appris il y a quelques temps, ou un peu moins d'un an, que Android allait bientôt avoir une nouvelle fonctionnalité, allait avoir une fonctionnalité native plutôt intéressante, un enregistreur d'écran intégré à Android. Vous le savez, si vous avez un appareil Android, c'est un casse-tête actuellement, si vous voulez enregistrer en vidéo votre écran, ce qu'il se passe sur votre écran, tout simplement puisqu'il faut une application externe qui est souvent payante, pas forcément très fiable, avec des pubs ou alors donc payantes, comme je vous l'ai dit, une nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver avec Android 11 et qui qui est maintenant sur des smartphones Samsung, Huawei, OnePlus, Oppo, Ren ou Xiaomi. Alors, un accès très simple à cette fonctionnalité est mis en place, mais cette fonctionnalité n'est pas pour l'instant disponible pour les montres. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à trouver l'utilité, mais en tout cas, selon une petite recherche de XDA développeur qui a fouillé dans le code de la dernière version de l'application Compagnon de Wear OS, l'application en ex-Android Wear, donc l'application qui gère les montres pour Android, a trouvé quelques lignes de code qui laisse penser à une prochaine fonctionnalité qui permettrait d'enregistrer en vidéo l'écran de sa montre connectée. Alors, quelques fonctionnalités, avec quelques phrases qui sont trouvées dans le code. Enregistreur d'écran Wear OS, le nom sans doute de l'option. Appuyer pour envoyer, ce qui permettra visiblement d'envoyer facilement la vidéo. Et prêt à envoyer l'enregistrement de la montre. Cette fonctionnalité serait sûrement notamment dédié à l'envoi de ces enregistrements. On a d'ailleurs découvert, XDA développeur découvre également que l'enregistrement sera sauvegardé en format MP4, donc après concrètement on ne sait pas forcément comment ça va fonctionner, mais on imagine que ça sera très proche du fonctionnement d'un enregistreur d'écran pour un smartphone. En tout cas, l'enregistreur d'écran devrait arriver très très prochainement sur les montres connectées via l'application Wear OS. Voilà, voilà, voilà pour cette petite information assez intéressante si vous voulez enregistrer en vidéo l'écran de votre montre connectée. Le titre actuel. Et je n'ai pas mis le titre dans la machine, mais ce n'est rien. Voici un petit peu de musique tout de suite avec la version 2021 de Troisième Sexe. Voici Indochine et Christine and the Queen tout de suite. Rien à faire, j'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île. Sans contrefaçon, maquillée comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter. Indochine et Christine and the Queen sur Radio Antigone. Il est l'heure des actus du sport à 11h45. Et nous commençons avec les championnats du monde de ski nordique avec ses premiers résultats. Tout d'abord, en sprint classique, c'est le Norvégien Johannes Hoflot Charlotte Kleibo qui a gagné devant un autre Norvégien, Erik Valnes. Le troisième est également un Norvégien, Avard Sola Stokbeld. Hier, il y avait du skiathlon, et oui, avec les 30 km skiathlon, 15 km en classique et 15 km en skating. Le russe Alexander Bolshunov a gagné cette course, suivi du Norvégien Simen Ekstad Kroker et de Hans Christer Holund. Du côté des femmes en skiathlon, 15 km, 7,5 km en classique et 7,5 km en skating. C'est une Norvégienne, les Norvégiens sont décidément en forme, qui a gagné cette course, Thérèse Johaug, qui a devancé Frida Karlsson et Ebba Andersson. Du côté du saut à ski, première épreuve en petit tremplin, l'individuel petit tremplin, l'or pour Piotr Zila le Polonais, l'argent pour Karl Geiger et le bronze pour Anze Lagnès. Du côté des femmes en saut à ski, eh bien, c'est Emma Klinek qui a gagné cette compétition, la sauteuse slovène. Du côté du combiné nordique, en petit tremplin, l'individuel a été gagné par Jarl Magnus Ribber, suivi du finlandais Ika Erola et du norvégien Jens Lura Ofbretto. Du côté des femmes, il n'y a qu'une seule compétition en saut à ski, l'individuel en petit tremplin. Et une course donc de 5 km puisque c'est du combiné nordique. Gida Welsvold Hansen a gagné la course. Elle est norvégienne, suivie de deux autres norvégiennes, Marglinan Lund et Marte Leinan Lund, les deux sœurs. Voilà pour ces premiers résultats de ces championnats du monde de ski nordique qui sont à suivre, je le rappelle, sur francetvsport.fr. Ils ont commencé le 24 février. Voici tous les résultats donc qu'il y a eu pour l'instant. Aujourd'hui, eh bien, du côté des hommes en ski de fond, le sprint par équipe a commencé. Et la deuxième partie de la course à 13h, pareil chez les femmes. Il y a du saut à ski avec un mixte par équipe, 17h pour cette compétition de saut à ski. Et du côté du combiné nordique, les hommes ont une compétition par équipe sur un petit tremplin relais de 4x5 km à 15h. Ça, c'est donc pour le départ de la course, le saut a déjà été effectué. On passe au rallye, la WRC, avec le rallye de Finlande. Et oui, qui se déroule jusqu'à aujourd'hui. Classement après l'étape 9. C'est Ott Tänak qui est pour l'instant premier, suivi de Karl Rovanperä à 19,2 secondes. Thierry Neuville, le Belge, est quant à lui troisième sur sa Hyundai à 21 secondes. Le premier français, eh bien, n'est pas là. Voilà, n'est pas dans le classement, en tout cas, des 10 premiers. Du côté du rugby, que peut-on parler? Eh bien, le leader du top 14 de rugby, La Rochelle, recevait le troisième du championnat, Toulouse. L'enjeu était donc pour le vainqueur la place du leader du top 14. C'est ce que nous dit le dico du sport. Eh bien, le résultat final, 14 à 11. Et oui, et c'est le stade toulousain qui s'est imposé face à La Rochelle. Les résultats qui permettent donc aux Toulousains de prendre la première place du top 14. Hier. On repasse du côté des sports d'hiver avec du ski alpin, la reprise de la Coupe du Monde de ski alpin après les championnats du monde la semaine dernière. Hier, il y avait du slalom avec le premier slalom géant des hommes à Banksko. Nous sommes en Bulgarie cette semaine. Le vainqueur de ce slalom géant est Philippe Zubchich, qui devance de 40 centièmes le français Mathieu Fèvre. Stéphane Brennsteiner est quant à lui troisième à un peu moins d'une seconde. À une seconde 6, vous retrouvez au pied du podium Alexis Pinturault. Thibaut Favreau est quant à lui septième à l'issue de la descente de ce slalom géant. Il est à 1 seconde et 77 centièmes. On termine avec la Ligue 1. Hier, Metz a battu Bordeaux 2 à 1. Le Paris Saint-Germain a écrasé Dijon 4-0. Dans quelques heures, Monaco affronte Brest, c'est à 13h. À 15h, Nîmes jouera contre Nantes. Lorient Saint-Étienne, c'est également à 15h. Toujours à 15h, Angers-Lens, Reims, Montpellier. À 17h05, Lille affrontera Strasbourg. Et à 21h, l'Olympique Lyonnais affrontera l'Olympique de Marseille. Voilà, avec un gros choc à 21h. Du côté du classement de cette Ligue 1, Lille est toujours premier du classement général, suivi du Paris Saint-Germain, de Lyon et Monaco, quatrième actuellement. Voilà pour ces actus du sport. Et puis, eh bien, bonne prochaine semaine sportive à l'écoute de Radio Antigone, bien sûr. Il est 11h50. Voilà, des actus du sport qui ont bien duré, dis donc, qui ont duré quasiment 6 minutes, j'ai l'impression. J'ai eu un peu de mal à certains moments, mais ça va, c'était assez fluide. J'espère que c'était assez complet et que vous avez réussi quand même à comprendre quelques petites choses, malgré mon allocution, voilà. Hein, vous avez vu comme je me rate bien, Vous savez quoi, je vais éviter de tenter de dire des mots comme ça. Le classique de la case du week-end. Mais quelle catastrophe je suis. Je retrouve même plus le mot là, mais c'est une catastrophe, une catastrophe. Allez, il ne reste plus que 9 minutes dans cette case du week-end, donc le calvaire est bientôt fini. Voici les actus des médias dans un instant, après Renault, Mistral gagnant tout de suite sur la radio à vif. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boers. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Les Mistral gagnants, les Mistral gagnants. Le grand Renault avec Mistral gagnant sur Radio Antigone. Voici l'heure de parler médias. Radio Antigone. Les actus des médias. Je viens de faire des gros yeux en regardant l'heure, en voyant qu'il était 11h54, et je me suis dit, mais comment je veux réussir à tenir autant de temps, soit 6 minutes jusqu'à la fin de l'émission? Vous allez voir, à la fin de cette chronique, je vais me dire, mince, je suis en retard, comme d'habitude, parce que je parle trop. On va aller sur TFA aujourd'hui, et oui, avec eh bien les programmes qui vous attendent, voilà, prochainement, puisque TF1 a dévoilé les programmes qui allaient arriver pour dans cette prochaine année, déjà avec des confirmation d'une nouvelle saison de Munch, la saison 4. L'avocate jouée par Isabelle Nanty sera donc bien de retour, tout comme la série Les Bracelets Rouges pour une saison 4. Voilà pour ce que je pouvais vous dire rapidement niveau série. Du côté du sport, eh bien, le sport sera bien présent sur les antennes du groupe TF1 cette année avec la Ligue des Nations de football. Et oui, qui sera diffusée sur TF1, sur TMC, sur TFX. Voilà. Il y aura également du handball avec le tournoi de qualification olympique de handball masculin en France. Les trois matchs des Bleus seront diffusés entre le 12 et le 14 mars 2021. L'Euro 2020, diffusé du 11 juin au 11 juillet 2021, TF1 retransmettra la majorité des matchs de la compétition et des rencontres de l'équipe de France en clair. 6 matchs de poule, dont 2 des 3 matchs de l'équipe de France du premier tour et le match d'ouverture. 3 huitièmes de finale, dont le premier choix, 2 quarts de finale et le premier choix de la demi-finale. Voilà pour ce qu'il y a niveau sport. Je passe sur un tout autre sujet. Vous le savez, les éditions du JT de 13h et de 20h ont fêté leurs 40 ans cette année et à l'occasion, TF1 a dévoilé un sondage sur les personnalités et événements qui ont marqué ces 40 dernières années. L'abbé Pierre, Coluche et Simone Veil sont les personnalités françaises les plus marquantes de ces 4 dernières décennies pour l'ensemble de la population et ce devant François Mitterrand et Johnny Hallyday. C'est les premiers résultats de ce sondage. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la question « Quelles sont pour vous les 5 personnalités internationales les plus marquantes de ces 40 dernières années ?» C'est Barack Obama qui arrive premier de ce sondage devant Angela Merkel qui est bien loin de Barack Obama et Nelson Mandela. Encore après Barack Obama qui est cité pour 62% des questionnés, des sondés. À la question « Quelles sont pour vous les 5 personnalités internationales les plus marquantes de ces 40 dernières années ?» Cette fois pour les moins de 30 ans, c'est également Barack Obama qui arrive premier. Angela Merkel est deuxième, mais là, petite surprise, on a quand même Donald Trump troisième et Beyoncé qui est quatrième. Voilà, des personnalités internationales les plus marquantes de ces 40 dernières années pour les moins de 30 ans. Toujours issu de ce sondage, question posée aux 18 ans et plus, le fait d'actualité français le plus marquant de ces 40 dernières années pour les téléspectateurs et les sondés par TF1, ce sont les attentats de Paris en 2015 qui arrivent en premier de ce classement pour 45% des sondés. La France championne du monde de football en 1998 est citée pour 9% des sondés, suivi de la mort de Lady Diana en 1997. Autre question posée aux 18 ans et plus, l'événement politique français le plus marquant des 40 dernières années est pour 35% des Français le passage à l'euro en 2002, pour 15% des Français l'élection de François Mitterrand en 1981 et le scandale du sang contaminé en 1988. Sachez que l'élection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen de 2002 est citée pour 6% des Français, tout comme l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen également 6%. C'était en 2017. De quoi peut-on parler d'autre ? Niveau de ce sondage, on peut parler pour terminer de l'événement sociétal français le plus marquant des 40 dernières années pour les sondés. Pour 42% des sondés, c'est l'abolition de la peine de mort en 1981 qui est cet événement sociétal français le plus marquant des 40 dernières années. Niveau international, l'événement le plus marquant est la catastrophe de Tchernobyl pour 43% des personnes, la chute du mur de Berlin 42% et les attentats du World Trade Center 37%. Voilà pour ce sondage effectué par TF1 à l'occasion des 40 ans des éditions du JT de 13h et de 20h de la chaîne. Radio Antigone, 10h, midi, la case du week-end. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas trop catastrophique. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, un bon moment en musique avec de l'info, des chroniques. Je vous rappelle que cette émission sera retrouvée en podcast très très bientôt sur radioantigone.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et bien moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée à l'écoute de Radio Antigone. 13h, l'entretien de Xavier Cabirol à écouter de toute urgence. Une belle interview proposée par Xavier. Bonne semaine pour la prochaine semaine qui arrive dès demain. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle case du week-end. À bientôt. Salut. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.